Ah, je vous l'avais bien dit, s'écria l'oracle du quartier Saint-Denis. La maison Rivet, successeur de Pensefrère, était toujours restée rue des Mauvaises Paroles, dans l'ancien hôtel de Langer, bâti par cette illustre maison au temps où les grands seigneurs se groupaient autour du Louvre. Aussi vous ai-je donné des bénédictions en venant ici, répondit Lisbeth. S'il peut ne se douter de rien, il sera coffré dès 4 heures du matin, dit le juge en consultant son almanach pour vérifier le lever du soleil. Mais après-demain seulement, car on ne peut pas l'emprisonner sans l'avoir prévenu qu'on veut l'arrêter par un commandement avec dénonciation de la contrainte par corps. Ainsi, quelle bête de loi, dit la cousine bête, car le débiteur se sauve. Il en a bien le droit, répliqua le juge en souriant. Aussi, tenez, voici comment. Quant à cela, je prendrai le papier, dit la bête en interrompant le consul. Je le lui remettrai en lui disant que j'ai été forcé de faire de l'argent et que mon prêteur a exigé cette formalité. Je connais mon polonais, il ne dépliera seulement pas le papier, il en allumera sa pipe. Ah, pas mal, mademoiselle Fischer. Eh bien, soyez tranquille, l'affaire sera bâclée.